Petit côté, mon chien ouvert, moi caché, pour moi ça caché, moi qui ai besoin, mon chien qui lit. Si vous te plaît, bon temps, tant moins à la dérive. Moi, je serai mieux pour moi, et si fragile encore. À contre sens, moi caché, j'ai l'amour. À contre sens, qu'à courir de y plaisir. Encore à contre sens, moins caché.